Mes chers bien-aimés, je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Je remercie le Seigneur qui nous accorde encore une journée merveilleuse. Merci Seigneur Jésus de ta présence. Frère, je vais partager avec vous quelque chose qui me concerne et qui te concerne aussi. Frère, c'est à propos des liens de sang. Beaucoup d'enfants de Dieu, même chez des païens, souffrent. Pas parce qu'ils sont sorciers. Tu es en train de souffrir, tu as une oppression démoniaque, tu cherches une délivrance. Mais tu as des problèmes. Pas que tu as été voir un sorcier. Pas que tu as été voir un guérisseur ou un marabout. Tu n'as jamais été chez le voyant ou l'astrologue. Tu n'es pas accro à l'astrologie. Parce que l'astrologie est du diable. Mais tu subis quand même des oppressions. On a prié pour toi, ça ne va pas. Tu ne sais plus quoi faire. Mon frère, ma soeur, le lien de sang est une réalité. Il faut que tu comprennes que tu peux subir les conséquences du pacte que le grand-père a signé dans la sorcellerie avec des démons. Et toi, tu vas payer. Pourquoi? Quand tu signes un pacte avec le diable, tu ne le signes pas avec de l'encre, avec un stylo. On signe le pacte avec ton sang, ton propre sang. C'est ce sang-là, ton âme, que tu donnes au diable. D'accord? Donc, les conséquences de ce pacte, tu vas le subir. Mais comme tu as donné ton sang, ce qui veut dire que toute ta descendance, c'est ton sang. Ils sont impliqués dans le pacte que tu as signé. Ça, Satan ne te le dira pas. Parce que tu lui as donné ton sang. L'enfant que tu as dans les bras, là, ton enfant, c'est ton sang. L'enfant que lui, il aura demain quand il sera adulte, c'est toujours ton sang. Et c'est pourquoi, comme tu as donné ton sang au diable, toute ta descendance est condamnée à subir les conséquences de ce pacte. C'est très important. C'est ta descendance que tu condamnes là. Les effets de ce pacte, tes enfants vont subir ces effets-là. Ne vous amusez pas avec le diable. Je signe un pacte aujourd'hui. Demain, je vais mourir. Mais comme je l'ai signé avec mon sang, les démons, eux, ne meurent pas. Ils resteront à l'appliquer sur ma descendance. Parce que le pacte est un pacte de sang. Donc, toute personne qui est issue de mon sang est impliquée. Donc, quand tu signes le pacte avec le diable, toi qui es dans les loges, ou toi qui es des pratiques, ou tu es dans les pratiques occultes, c'est ta descendance, ce sont tes enfants que tu condamnes. Parce que tes enfants viennent de ton sang. Et c'est ce sang-là que tu as donné au diable quand tu as signé. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent. Beaucoup de païens souffrent. Pas parce qu'ils sont sorciers. Ils n'ont jamais été voir un marabout. Ils n'ont jamais été voir un guérisseur. Mais c'est le grand-père qui fréquentait les guérisseurs. C'est la grand-mère qui était sorcière. Le pacte qu'elle a signé dans la sorcellerie, tu vas subir les conséquences. Et beaucoup ont des difficultés, ils veulent la délivrance. Beaucoup souffrent, ils veulent la délivrance. Et pourtant, ils n'ont jamais été chez des marabouts. Ils n'ont jamais été voir un voyant, un charlatan, un guérisseur, un marabout. Ils n'ont jamais été dans des loges. Ils n'ont jamais pratiqué des trucs occultes. Mais ils subissent les conséquences. Bien-aimé, je vais prendre un exemple. Dans le livre de Néhémie, au chapitre 1, le peuple d'Israël avait la couverture de l'Éternel des armées, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dieu avait dit à Moïse que dit aux enfants d'Israël que pour que je reste tout le temps avec eux, ils ne doivent pas faire ça, ça, ça, ça, ça. Parce que j'ai horreur à ça. C'était clair. Ils ne doivent pas faire ça. Allez lire un peu tout ce que Dieu a dit à Moïse. Pour que je reste au milieu de vous, il faut éviter ça. Dis ça aux enfants d'Israël. Parce que si vous faites ces choses-là, moi, je ne pourrai plus être avec vous. Mais ils vont se détourner de Dieu. Quand ils ont vu que Dieu les a bénis, et vous allez remarquer que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, ils avaient, à chaque fois qu'ils étaient confrontés à un peuple, ils étaient toujours vainqueurs parce que c'est l'Éternel qui leur donnait la victoire. Ta victoire viendra toujours de Dieu. Alors, lorsqu'ils ont vu qu'ils sont maintenant à la terre promise, il y a la bénédiction, il y a la richesse, tout ce qu'ils voulaient, petit à petit, ils ont commencé à se détourner de Dieu. Et beaucoup sont comme ça. Seigneur, prie, il prie, prie, prie. Quand il est dans la dèche, quand Dieu le bénit, même si avant il allait à l'église 10 fois par mois, il commence à aller 4 fois, 2 fois. C'est-à-dire Dieu ne sait plus trop ça parce qu'il priait tout le temps pour obtenir une bénédiction. Maintenant qu'il a une bénédiction, Dieu ce n'est plus ça. C'est-à-dire le même zèle qu'il avait avant, ce n'est plus ça. Beaucoup sont comme ça. Alors, Israël est dans l'abondance. Ils vont commencer petit à petit à se détourner de Dieu. Dieu dit, ok, comme vous n'avez pas respecté ce que j'ai dit à mon serviteur Moïse, moi je m'en vais. C'est alors le diable, que je remplace ici par Artaxerxès, le roi du royaume de Perse. Quand il a vu comme ça, il a dit, allons-y les gars, avec son armée, c'est le moment de foncer sur Israël. On va leur faire ça dur. Le roi de Perse, Artaxerxès, il vient avec son armée, ils vont vaincre, mettre à terre l'armée d'Israël. Alors qu'avant, personne ne pouvait tenir devant l'armée d'Israël, parce que l'Éternel était avec eux. Leur force venait de Dieu, pas d'eux-mêmes. Ils avaient les mêmes lances, comme tout le monde. Mais c'est Dieu qui leur donnait la victoire. Quand Artaxerxès, roi de Perse, a vu que Dieu n'est plus avec eux, les gars, allons-y. Ils les ont mis à terre, alors que les royaumes craignaient Israël. Mais Israël avait oublié qu'il fallait respecter ce que Dieu lui avait dit par Moïse. Ils ont commencé à faire comme ils voulaient. Dieu s'est retiré. Le diable a foncé sur eux. Le peuple d'Israël est vaincu. Qu'est-ce que le roi de Perse va faire? Il va amener des milliers et des milliers de prisonniers à Suse. Suse, c'est la capitale du royaume de Perse. Ils ont amené les prisonniers là-bas, les captifs, les enfants d'Israël, le peuple hébreu. Alors qu'avant, tout le monde craignait ce peuple. Quand ils arrivent là-bas, à Suse, la capitale du royaume de Perse, sont devenus des esclaves. C'est-à-dire qu'une femme perse pouvait être assise, c'est une Israélite qui lave ses assiettes. Une femme perse pouvait être là, à s'occuper de ses ongles, ses cheveux, c'est l'Israélite qui est la boniche de la maison, à cause du péché. C'était des Israélites qui faisaient des sales boulots à Suse. Les Perses étaient en train de les utiliser, c'était des esclaves. C'est une prise de guerre, on appelle ça la prise de guerre. Vous faites ce que vous voulez. Je vous pose une question. Parce que tout à l'heure, j'ai introduit par le lien de sang. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Pourquoi je fais le lien entre Néhémie et les liens de sang. Quand Artaxerxès, roi de Perse, amène les prisonniers, les captifs, dans Suse, la capitale du royaume de Perse, parmi les prisonniers, il y avait des hommes, il y avait des femmes, bien sûr. Mais on va se focaliser sur les femmes. Il y avait des femmes qui étaient enceintes. Il y avait des femmes qui avaient des bébés, qui allaitaient un bébé. Il y avait des femmes qui avaient peut-être un enfant de 2, 3 ans, ou 7 ans, ou 10 ans. Tous ces gens-là ont été amenés en captivité. Et ils sont devenus des esclaves des Perses, à Suse, dans le royaume de Perse. Le bébé là est né à Suse. Le bébé que l'Israélite avait dans le ventre. Ce bébé se retrouve esclave et il va travailler pour les Perses. Le bébé là a commis quel péché? Le petit bébé qu'on allaitait là, au moment de l'esclavage, de la captivité, il devient un sujet pour prisonnier des Perses. Il fait les sales boulots, on l'utilise, c'est un esclave. Ce bébé avait commis quel péché en Israël? Rien. Le petit enfant qui n'avait que 2 ans, quand la captivité a eu lieu, il a commis quel péché en Israël? Non. Mais voilà qu'il se retrouve esclave. Les Perses les utilisent. Ils font de ce qu'ils veulent. Ils font le sale boulot. Ces enfants sont en train de payer à cause des péchés de leurs parents et grands-parents. Le lien de sang est une réalité. Peut-être aujourd'hui tu payes à cause des pactes signés par le grand-parent. Tu te retrouves en captivité dans le royaume de Perse. Et pourtant, tu n'y es pour rien. Mais tu payes pour les péchés de tes parents et tes arrière-parents. Tu payes pour ça. Toi-même, tu n'as jamais été voir un sorcier. Tu ne connais pas la sorcellerie. Tu n'as jamais fait le voyage astral. Tu n'as jamais été voir un féticheur. Tu n'as pas les fétiches dans ta maison. Mais tu es embêté par des démons. Tu es tourmenté. Des hommes, des femmes de nuit. Toi-même, tu n'as jamais été voir. Tu n'es pas sorcier ou sorcière. Tu te retrouves esclave de ces démons à cause de tes parents. Des gens qui étaient jeunes, le bébé qui était dans le ventre ou celui qu'on allaitait, il se retrouve esclave à Suse. Il est dominé par les Perses. Il avait commis quel péché en Israël? Rien du tout, parce qu'il n'était que bébé. Mais il se retrouve esclave à cause de ses parents. Ce sont ses parents qui ont péché, c'est pas lui. Beaucoup souffrent dans l'église et dans le monde à cause du lien de sang. C'est pourquoi je t'ai dit, le grand-père ou arrière-grand-père qui était un grand sorcier, il a donné son, il a signé un pacte avec le diable dans le monde occulte, dans la sorcellerie. Toi, tu fais partie de son sang. Et comme il a donné son sang au diable, donc tout enfant qui est issu de ce sang-là est déjà une prise pour le diable à cause du lien de sang. Le grand-père, là, lui, il est déjà mort. Mais comme il a donné son sang, toi, tu fais partie de son sang. Parce que ton papa, c'est son sang. Toi qui es né de ton papa, c'est toujours son sang qui va de génération en génération. C'est son sang. Et comme il a donné son sang dans la sorcellerie au diable, Satan a le pouvoir sur vous. C'est-à-dire que ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est que lorsque tu signes un pacte avec le diable, ça t'engage et engage aussi ta descendance. Tu les as condamnés. Parce que ta descendance vient de ton sang. Et comme c'est ce sang-là que tu as donné au diable, Satan est un menteur. Oh Seigneur, qu'est-ce que le diable trompe les gens? Il te fait croire que c'est une affaire qui est entre toi et lui. Mais il ne te dit pas que tu, à ce moment-là, tu condamnes ta descendance. C'est-à-dire toutes les personnes issues de ce sang-là sont condamnées à cause du lien de sang. C'est pourquoi il faut confesser les péchés de tes parents, arrière-grands-parents. Peut-être tu es tourmenté, tu cherches une délivrance. Ça ne vient pas, c'est pas que toi-même tu as été voir un marabout. C'est pas que toi-même tu as pratiqué l'occultisme. Non. Mais tu te retrouves dans cette situation à cause d'un lien de sang. C'est le grand-père qui était sorcier. C'est la grand-mère qui était homosexuelle. Et ces démons-là vont de génération en génération parce qu'à cause du sang. C'est pourquoi vous allez voir, certains hommes sont pédophiles. Parfois à la télé, on dit son père aussi ou le grand-père. Mais c'est le lien de sang. C'est le lien de sang. Quand on dit tel père, tel fils, il fait comme son père. C'est le lien de sang. Et son père était violent, lui aussi. Oh. C'est les liens de sang. Quand vous allez voir dans certaines familles, on va vous dire, oh, la famille là a des jolies filles, mais ce n'est pas la peine. Oh. Les filles de cette famille-là ne vont pas en mariage. C'est une malédiction qui vient d'un lien de sang. C'est-à-dire que les démons sont en train d'appliquer dans la vie de ces pauvres filles le pacte qui a été signé dans le monde occulte. Vous subissez ça. Mais tu vas voir, je connais une femme dans sa famille, oh, les gens ne vont pas en mariage. Je ne sais pas si ça doit faire 8, 9 ans aujourd'hui. Elle est mariée parce qu'elle a donné sa vie à Jésus. Ce qui fait que la famille est étonnée. Oh, mais pourtant dans cette famille-là, les filles ne vont pas en mariage. C'est Jésus qui peut briser ce lien de sang. Un marabout ne peut pas briser le lien. Un féticheur ne peut pas, parce que Satan ne peut pas enlever ce que lui-même a fait. C'est une malédiction. Et Satan l'entretient de génération en génération. Qu'est-ce qui va se passer? Pendant que Néhémie travaille, il travaillait à Suse, la capitale du royaume de Perse. C'est un Israélite. Le voilà maintenant prisonnier qui travaille pour les Perses. Or, les Perses étaient les ennemis du peuple d'Israël. À cause du péché. Voilà qu'un jour, il rencontre des personnes qui revenaient de Juda. Et ils se croisent à Suse, la capitale du royaume de Perse. Néhémie veut avoir des informations sur la situation en Israël. Les frères qui revenaient de Juda ont dit à Néhémie, « Oh Néhémie, c'est même pas la peine. Là-bas, c'est la dèche. C'est le chaos. Rien ne marche. Les gens vivent misérablement. C'est la pauvreté totale. » Néhémie est touché. Il est touché. Néhémie dit, « C'est pas possible. Le peuple d'Israël, comment le peuple d'Israël peut tomber si bas? Où est la gloire d'Israël ?» Il dit, mais c'est pas possible, ça c'est pas Israël que je connais. Qu'est-ce qu'on me dit là, mon Dieu? À ce point-là, Néhémie est touché. Et la Bible dit, Néhémie a décidé de faire un jeûne et la prière pour aller confesser les péchés, pour aller demander à Dieu, Seigneur, pardonne-nous, on a péché contre toi. Oh Seigneur, pardonne-toi le Dieu de miséricorde. Mais vous allez remarquer que lorsque Néhémie fait son jeûne et prière, Néhémie ne se limite pas à confesser que ses péchés. Quand tu es à genoux dans ta chambre pour confesser tes péchés, ne te limite pas qu'à tes péchés. Pense aux péchés de tes parents. Pense aux péchés de tes grands-parents. Je ne te dirai pas des arrière-grands-parents, peut-être tu ne connais pas. Mais Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Ce que tu connais de la vie de tes parents et de tes grands-parents, confesse-le. Comme si c'était toi qui l'avais pratiqué. Confesse-le. Parce que vous allez lire la prière de Néhémie. Et vous pouvez lire la prière de Daniel. C'est pareil. Ils confessent le péché des parents, des arrière-grands-parents, le péché du peuple. Et pourtant, ce n'est pas eux-mêmes qui ont pratiqué ce péché. Parce que quand tu confesses ce péché, tu livres le lien qu'il y a eu entre l'arrière-grand-parent et toi. Le lien de sang. Et Jésus va le briser. Et quand Jésus brise, ça ne pourra plus t'influencer ni influencer tes enfants. Ils sont délivrés parce que Jésus a brisé le lien. C'est très important. Beaucoup subissent le lien de sang. Beaucoup. Tu es tourmenté là. Tu cherches la délivrance. Toi-même, tu n'es pas sorcier. Jamais tu as été voir un voyant. Tu ne fréquentes pas des astrologues. Tu ne fréquentes pas des marabouts. Tu ne fais pas le voyage astral. Tu ne pratiques pas le spiritisme. Tu ne pratiques pas la méditation transcendantale. Tu ne fais pas ces choses. Et pourtant, tu subis les oppressions. Et pourtant, des démons te visitent la nuit. Les démons viennent te visiter la nuit quand tu dors. Dans le monde naturel, tu n'as pas d'enfant. Mais tu te vois accoucher que dans les rêves. Tu es la femme de quelqu'un dans les rêves. La femme de nuit vient coucher avec toi, l'homme de nuit, les hommes de nuit viennent coucher avec toi. Toi-même, tu n'as jamais pratiqué la sorcellerie, mais tu es en train de subir l'esclavage que les jeunes Israélites subissaient dans le royaume de Perse. Ils n'ont commis aucun péché. Quand sa maman était portée en captivité, elle était dans le ventre ou bien elle était petit bébé ou elle n'avait que 2 ans. La voilà qui se retrouve à Suse, dans la capitale du royaume de Perse, esclave. Lui-même n'avait jamais commis le péché. Si l'arrière-grand-parent en Israël était cannibale, mais lui ne l'a jamais été. Mais il est en train de payer à cause du lien de sang. Peut-être toi, tu payes à cause de ce que les grands-parents ont fait ou tes propres parents. Toi-même, tu n'avais jamais pratiqué. C'est pourquoi je vous dis que les jeunes qui se retrouvent, qui ont grandi à Suse, la capitale du royaume de Perse, qui sont venus de la captivité, ils avaient 2-3 ans. D'autres étaient dans le ventre, d'autres on les allaitait, ils étaient bébés. Ils vont grandir à Suse, dans la capitale de Perse. Ils deviennent du coup esclaves des Perses. Est-ce qu'ils ont commis un péché? Non! Toi, tu es en train de payer, pas parce que toi-même tu as fait quelque chose, mais tu payes à cause des grands-parents. C'est-à-dire que le lien de sang donne droit aux démons avec lesquels le grand-parent avait signé son pacte de t'attaquer à cause du lien de sang. Parce que quand on signe le pacte, on le signe avec son sang. Ça veut dire que tu engages la descendance, toute ta descendance, parce que c'est ton sang qui continue sur tes enfants, petits-enfants, ainsi de suite, c'est ton sang. Donc quand tu donnes ce sang au diable, tu as condamné ta descendance. ta descendance est condamnée. Donc, si l'un de ces enfants-là ne donne pas sa vie à Jésus, et si l'un de ces enfants-là ne confesse pas comme Néhémie et Daniel les péchés de ses parents, il aura des problèmes. Attention, je veux être clair. Ça ne veut pas dire que si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas sauvé. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Mais tu peux être embêté par des démons qui viennent te toucher à cause du lien de sang. Parce que les démons sont comme des brutes. Ils savent que cet homme-là, son arrière-grand-parent, nous a donné les pleins droits d'agir sur sa descendance parce qu'il nous a donné son sang. Donc cet enfant-là fait partie de son sang. Donc on a le droit. Mais ça ne veut pas dire que si tu donnes ta vie à Jésus, tu n'es pas sauvé. Le problème, c'est que tu risques d'être embêté tout le temps par ces démons-là. C'est la raison pour laquelle il faut confesser tes péchés et confesser les péchés de tes ancêtres et demander à Dieu de te délivrer. Mais confesse, fais comme Néhémie. Tu peux aller dans Néhémie chapitre 1. Tu peux aller également dans Daniel chapitre 9. Tu verras, leurs prières sont pareilles. Daniel, Néhémie est esclave dans le royaume de Perse. Daniel est esclave dans le royaume de Babylone. Et c'est la même chose, c'est-à-dire à cause de la désobéissance d'Israël au commandement de Dieu, le roi de Babylone les a tabassés et amenés les prisonniers. À cause de la descendance de la malédiction et de la désobéissance des enfants d'Israël, le roi de Perse, Artaxerxès, les a vaincus et amenés les prisonniers, dont tous se retrouvent prisonniers. Parmi ces prisonniers, il y a des personnes qui avaient péché. Il y avait des personnes qui pratiquaient l'idolâtrie. Des choses que Dieu n'aime pas. Il y avait des personnes qui étaient des assassins. Ils sont esclaves à Babylone, au temps de Daniel. D'autres sont esclaves dans le royaume de Perse, au temps de Néhémie. Mais ce qui est terrible et triste dans l'affaire, c'est que leurs enfants, qui n'ont pas été cannibales, qui n'ont tué personne, à cause des parents, eux aussi se retrouvent esclaves. Certains à Babylone, d'autres dans le royaume de Perse. Mais les enfants n'avaient rien fait. Les enfants n'avaient rien fait, c'est les parents. Mais voilà que les enfants sont en train de payer à cause des péchés des parents. C'est ça le problème. Tu es en train de payer à cause des péchés de tes grands-parents ou de tes parents. Toi, ton père est dans la franc-maçonnerie. Tu es en train de payer. Ta maman est dans la Rose-Croix. Tu vas payer. Il faut que Jésus brise le lien. Il faut que Jésus le brise. Sinon, ces démons-là vont te tourmenter. Sinon, les esprits de nuit viendront te titiller quand tu dors. Parce que tu fais partie du sang qui a été donné au diable lors du pacte de ton père ou de ta mère. C'est ce qui donne droit aux démons de venir te titiller. Tu es enfant de Dieu, oui. Si tu meurs, tu es sauvé parce que tu as donné ta vie à Jésus. Mais Jésus a dit, ne craignez pas celui qui tue le corps et qui après ne peut plus rien faire. C'est-à-dire les tourments qu'ils vont appliqué sur toi sont au niveau de ton corps. Parce que ce sang-là leur a été donné par l'arrière-grand-parent. Et eux suivent bêtement le lien de sang. C'est-à-dire que ce que les hommes ne savent pas, que Satan leur cache, c'est que quand tu signes un pacte avec le diable, ça t'engage et ça engage toute ta descendance. C'est pourquoi Satan demande le sang. Le diable n'est pas bête, il sait pourquoi il veut que tu signes. Le diable ne veut pas te dire, prends un stylo, signe. Il te dit non. Oh Seigneur, il te dit, signe avec ton sang. C'est-à-dire que toute ta descendance qui est liée à ce sang-là est condamnée. C'est pourquoi il te dit, c'est un menteur, Satan, c'est un trompeur. Il te dit, tu veux signer le pacte avec un stylo? Il dit, non. Fais une blessure sur ton doigt et tu signes avec ton sang. C'est-à-dire, tu es condamné, toi et ta descendance. Que Dieu vous bénisse.